forcé de quitter son pays, la Guinée, car recherché par la junte au pouvoir, donc fuir, seul, laisser sa famille et échouer en Libye. Vous allez nous raconter votre histoire, parce qu'elle est aussi celle de nombreux migrants, femmes, hommes, enfants. Tout d'abord, comment allez-vous aujourd'hui? Comment est votre vie actuelle à Bordeaux? C'est plus tout à fait votre nouvelle vie, hein, puisque ça fait maintenant deux ans. C'est une nouvelle vie. Mais c'est quand même une nouvelle vie. Ouais. Comment ça se passe? Comment allez-vous? Voilà. Je vis tranquille à Bordeaux. Comme vous le dites, j'ai fait une formation en deux IJRI à l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine. Et depuis mai 2018, j'ai été sous protection de l'OFPRA et je travaille un peu dans ma manutention en attendant de me trouver un appartement. Et ça va. Vous sentez serein? Comment vous sentez? Je me sens serein, bien sûr, et je continue à rentrer dans la vraie vie. Ouais. Alors, dans la première partie de l'émission, nous sommes revenus sur l'histoire de Lampedusa, l'une des portes de l'Europe pour ces migrants venant souvent d'Afrique, comme vous. Mais avant de réussir à prendre la mer et de survivre aux vagues, au froid, au naufrage, on va remonter le temps. Alpha Kaba, vous êtes comment se prononce Cancan. Cancan, tout simplement. En Guinée, vous travaillez dans une radio de la ville. Comment votre vie bascule-t-elle? À quel moment et pourquoi? À Cancan, j'étais journaliste, un petit journaliste dans une radio locale appelée Baté FM. Et on a été l'une des toutes premières radios à ouvrir l'antenne à la population. On me faisait des émissions interactives basées sur la vie sociétale et politique de l'administration locale. Donc on était en quelque sorte... un espace de liberté dans une... Un espace de liberté dans un pouvoir autoritaire. Voilà. Mmh. Et de là, à chaque fois, nous venons sur le terrain, on n'arrête pas de sensibiliser la population, notamment sur l'insalubrité. Mais s'il y a encore cas de corruption au niveau de l'administration locale, on enquête en tant que journaliste, on fait notre métier, et on vient à l'antenne, on fait le débat, un invité, après on ouvre l'antenne, les 30 dernières minutes à la population qui intervient et donne son point de vue par rapport au sujet du jour. Et c'était en août 2013, le président devrait venir à Cancan pour son tout premier meeting à l'intérieur du pays. Et Cancan, c'est son fief notamment. Mmh. Et nous, on a profité parce qu'il y a eu détournement d'engrais et des intrants agricoles qui étaient destinés à la population. Le préfet, notamment le préfet et le maire, Vous l'avez dénoncé. Nous avons dénoncé. Dit, ouais. On a appelé la population à intervenir. Et quand le président est venu lors du meeting, les jeunes sont sortis avec des plaques à bas le préfet, à bas le maire. Ensuite, comme vous le savez tous, la politique, ça ne se gère pas comme ici. Il y a toujours les pour et les contre. Ils se sont jetés des pierres, le meeting a été saboté. Et après, ils ont dit que c'est... Ils nous ont indexé la radio, que nous sommes instigateurs des événements qui se sont déroulés tantôt dans la journée. Et ensuite, ils se sont mis en enquête. La radio a été pillée. Et on a fui, mon directeur et moi, parce que moi, j'avais un rôle un peu toupé important, parce que je parle les trois langues de la Guinée. Et dans les émissions, je jouais le rôle de traducteur en langue vernaculaire des débats et tout ça là. C'est comme ça ils se sont mis à nos charges. Bien sûr. Ils nous ont cherché. Je me suis d'abord refusé à un moment, mais après, quand j'ai trouvé que ça n'allait pas, je me suis dit de partir et laisser ma famille et tous mes amis derrière moi. Chose qui était difficile, une décision qui était difficile à prendre. Mais à un moment donné de la vie, il le faut. Et pourquoi ne pas rester ou demander l'asile dans un pays africain? C'est ce que j'ai voulu au départ. D'abord au Mali, c'était tout près de Cancan. Mali, c'est à 300 km de Cancan. C'est les mêmes peuples, le Manding, si vous connaissez un peu l'Afrique de l'Ouest. Et c'est les mêmes peuples qui font le va-et-vient. J'ai eu des conseils de venir en Algérie, où peut-être une promesse m'attendait d'être hébergé et dans l'avenir, exercer le métier de journalisme. Oui. Donc, je suis parti dans l'espoir. Et après, ça s'est mal déroulé. Je suis parti du Mali, Bamako, au Burkina, du Niger, ensuite l'Algérie. Mais avant, mon idée, c'était de partir en Guinée-Bissau, honnêtement, parce que je n'avais aucune intention de partir loin de ma famille. Mais les choses ont basculé comme telles. Une fois à Alger, la personne qui devait me recevoir m'a mis de côté. Ils ne prenaient pas mon téléphone. Je suis resté là, aéré dans la ville, entre les gares, jusqu'à ce que j'ai rencontré un ouvrier qui m'a hébergé dans un squat pendant quelques temps. Et que, au même moment, je continuais à faire mes recherches, mais c'était très difficile. Dans un pays où tu parles en français, on te répond en arabe. Donc la communication n'était pas là. Le racisme aussi sévissait, parce que quand je viens demander à certaines personnes, ils attrapent le nez pour histoire de dire que je suis noir, des trucs comme ça. Donc, vu le calvaire qu'ils ont passé entre Bamako lors de ma traversée jusqu'à Alger, mes amis m'ont proposé qu'ils vont aller en Libye. D'accord. Les ouvriers, les Ndiaye, les Abdoulaye et consorts m'ont proposé parce qu'ils voulaient partir travailler là-bas. Donc, je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas rester dans le squat seul. Je suis parti avec eux. Et vous êtes parti avec eux, vous vous êtes dit c'est un passage pour le coup pour l'Europe ou éventuellement je m'installe là-bas. C'était pour m'installer. Et si les situations, si les choses reviennent dans les normes en Guinée, revenir dans mon pays que j'aime beaucoup. Et bon, ça n'a jamais traversé dans ma tête de venir en Europe parce que je ne me suis jamais fait un passeport même pour monter dans l'avion. Donc bon, et là ça se passe mal puisque donc vous arrivez en Libye et on sait à quel point c'est souvent l'un des passages les plus dangereux. L'autre, évidemment, c'est la mer. Hein. Le grand péril, c'est la mer. Mais avant, il y a le péril libyen. Qu'est-ce qui se passe en Libye? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Quand vous êtes arrivé en Libye, alors on ne peut pas tout raconter, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on est un quart d'heure, mais racontez-nous quand même ce qui se passe en Libye, ce qui s'est passé pour vous et, pour vos compagnons d'infortune. Tout d'abord, je ne savais pas ce qui se vivait en Libye. Ah oui. En 2013, je crois que la situation, les informations n'étaient pas beaucoup plus axées sur la Libye pour qu'on s'imprègne des réalités de la vie libyenne. Et c'est ainsi que je suis parti en Libye avec ces jeunes. Et entre la frontière algério-libyenne, on a rencontré un passeur qui devrait nous envoyer à Tripoli. Ce même passeur nous a revendiqué à un groupe de milices où ils nous ont déposséder tous nos biens, sacs et tout ce qui suit, porte-monnaie et tout. Ils ont mis le feu dessus. Ils ont braqué des armes sur nous. Les quelques personnes qui voulaient répliquer, parce que c'était tout à fait au début du calvaire, les quelques personnes qui voulaient répliquer. Se défendre, quoi. On les frappait. Donc les données se sont renversées. Donc, ils nous ont pris, ils nous ont mis dans des pick-up, ils nous ont serrés pour nous envoyer dans une destination, honnêtement. Moi, je ne savais pas où ils voulaient nous envoyer, notamment avec des femmes. On nous envoie, ils nous mettent dans une petite maisonnette en périphérie des villes, parce que ce n'était pas en centre-ville, clôturée. Ils nous laissent dedans, sans manger, sans boire, au nombre d'une cinquantaine. On ne pouvait même pas s'asseoir tous. On alternait des fois, d'autres restent jusqu'à 10-15 minutes, tu te lèves, ton ami aussi s'assoit. Donc, en quelque sorte, une solidarité entre frères migrants ou frères avec tous ces frères avec lesquels j'ai traversé le calvaire. On est resté là. Le petit manger qu'on gagnait, c'était des biscuits. Ils envoyaient, nous jetaient comme des bêtes. On se partage les biscuits et un petit bidon d'eau qu'on buvait. Et on est resté là pendant environ 48 heures comme ça, dans cet état. Et une soirée, ils sont venus. C'est pas les mêmes personnes qui nous ont envoyé. C'était un marché. C'est pas un autre groupe de milices est venu avec 3 pick-up. Ils nous ont tous fait sortir. Avec d'autres migrants encore, parce qu'il y avait une pick-up dans laquelle il y avait des migrants, dans laquelle il y avait des migrants. Et ils nous ont mis dans les autres pick-up, serrés comme des boîtes de sardines ou comme si on pliait des habits qu'on met dans l'armoire tellement que c'était serré. Ils mettent des fagots de bois sur nous. Histoire pour qu'on puisse ressembler au moins à du sable ou à quelque chose qu'ils transportent. Ensuite, ils mettent la bâche sur nous pour nous envoyer d'un point à un autre. C'est comme ça on est venu à Beni Walid. Ils nous ont revendu, ils ont organisé un petit marché. Aux esclaves, quoi. Aux esclaves. Ils ont braqué des lumières sur nous, des voitures sont venues, ils ont fait un tour. Ils nous ont mis de côté. On nous envoie un à un. Ils font le marché, c'est ce que j'appelle de vente aux enchères, si vous voulez. Ils te mettent, ils nous revendent. Moi, personnellement, j'ai été revendu à 350 dinars. Vu ma corpulence, vu ma taille, Ils venaient, ils regardent ton œil, on tire tes oreilles pour regarder si tu es sain, ou on regarde tes cuisses, si tu n'es pas blessé, s'il n'y a pas quelque chose sur toi. Ensuite, s'ils veulent te prendre, ils te prennent. Donc c'est comme ça. D'autres ont été revendus plus que ça, d'autres moins. Et il y avait également des femmes qu'on a revendues tout. Et c'est difficile à décrire tout ça là, à expliquer tout ça là. Bah vous le faites dans votre livre en tout cas. Il se passe quoi après? Vous restez combien de temps? Je suis resté 2 ans et demi. 2 ans, c'est long, c'est très long. Qu'est-ce que vous faites pendant 2 ans et demi? J'étais toujours dans l'état de... J'étais esclave, donc je possédais plus mes droits. Je pouvais plus revendiquer, les armes sont braquées sur moi. Je suis passé dans les mains de 4 maîtres. Je dis 4 patrons, même si ce n'est pas le bon terme. Je dis 4 maîtres qui, de Gadamès à Zabrata, 4 mètres. Quand je travaille avec un maître dans des chantiers, dans des plantations, où il nous envoie, on fait monter le sable, parce que parmi nous, les migrants, je dis migrants, à l'époque, on n'était pas migrants. Moi, personnellement, je n'étais pas migrant. Mais parmi tous ceux qui étaient là encore, il y avait des ouvriers, des maçons, des charpentiers, des footballeurs. Il y avait tout. De tout. Hein. De tout. Et nous, personnellement, qui n'avaient rien, qui n'avaient pas de métier, on était des manœuvres. Et vous faisiez quoi? Ils nous font travailler. Oui, mais quoi? Des travaux durs, j'imagine. Des travaux durs. On creusait des fois des caniveaux, des fosses septiques. On vidait des fois des caniveaux, des caca, des déchets. On nous envoyait couper les fleurs. Des fois, s'ils n'ont rien à faire avec nous, ils nous envoient, ils mettent des barbelés à terre, ils tirent sur, comment je vais dire ça, ils tirent en haut, en rafale, ils demandent de marcher sur ces barbelés. C'était comme si on était des sujets ou des jets de foi. Donc esclaves et mauvais traitements. Les deux. Traitements, les deux. Des femmes violées? Des femmes, ça, c'est... Des femmes violées, c'est ce qui a d'ailleurs, personnellement, m'a marqué lors de toute la traversée, où nous, les hommes, on est utilisés dans des chantiers, mais les femmes, quant à elles, on les exploitait en ce que j'appelle de l'esclavage sexuel. Ouais. Elles étaient louées encore au même titre que nous. Toutes les soirées, on vient, on les cherche, d'autres le matin. Quand ils ont besoin, on les envoie. D'autres accouchent là-bas, d'autres perdent la vie là-bas. Les enfants sont... Il y a certains enfants qui naissent là-bas, qui perdent la vie sur place, donc dans des conditions très difficiles et dans l'insalubrité totale. Alors, face à ces monstres, vous écrivez quelque chose de très beau dans votre livre, dans ces prisons. C'est des prisons, évidemment. C'est rien d'autre que des prisons. Le fait de se regarder entre prisonniers, de se toucher afin de montrer qu'on n'est pas seul, ben c'est très fort. Et je vais lire quelques lignes qui relatent cela. Nous ne sommes pas libres de nos mouvements, mais à la soumission, à la violence, nous opposons la bienveillance et l'amour, les valeurs les plus simples, les plus belles et les plus douces de l'humanité. Je n'ai jamais autant aimé l'autre que durant ces jours à Campo. Face à l'innommable, quelque chose d'indescriptiblement aimant monte en vous. Ces hommes et ces femmes avec moi deviennent, au sens le plus pur du terme, mes frères, mes sœurs. La liberté, je ne l'ai pas dans mes gestes, je la trouve dans l'amour. Ainsi au travail, si un frère esclave est blessé et souffre, je ne détourne pas le regard. À la haine de soi, au dégoût, je réponds par l'attention. Je le console, avec un sourire parfois, un mot, quand je le peux, une caresse sur l'épaule pour lui rappeler qu'il n'est pas seul. Je me dis que la meilleure manière de garder espoir et de vivre, parce que ses frères, c'est ma famille. Bien sûr. C'est une famille pour moi, parce qu'on traverse le même calvaire, on traverse la même souffrance. Donc, c'est quand je les vois vraiment, je me dis encore qu'il faut que je continue à vivre et de continuer à espérer peut-être une sortie, une bonne sortie ici. C'est pourquoi c'est en quelque sorte, c'est plus qu'une famille, c'est frères migrants, c'est plus que des frères, je sais pas comment le dire, mais c'est une partie de vous-même, c'est en une fait. Partie de mais ma oui. personne, quoi. Puis arrive ce que vous n'espérez plus peut-être, le bateau. Alors on vous conduit sur la plage, d'autres migrants sont là, vous allez embarquer. Et tout à coup, vous avez très peur. Vous décrivez très bien ce moment qui vous fait presque regretter les hangars où vous attendiez d'être vendu. Peur de la mer, peur de la nuit, peur du froid. Page 203, je lis ces quelques lignes. Je n'ai jamais compris pourquoi Mohamed avait tenu sa promesse. Fait du prince ou culpabilité soudaine? Peut-être parce que, comme tout homme puissant, il espérait qu'une bonne action suffirait à faire de lui un homme bon. Le voyage sur la Méditerranée ne s'est pas passé comme prévu. Notre embarcation a fait naufrage à quelques kilomètres des côtes. 7 personnes y ont trouvé la mort. 3 femmes, l'une d'elles enceinte, et 4 hommes. Nous aurions pu tous mourir sans l'Aquarius, le bateau humanitaire de l'ONG SOS Méditerranée qui nous a secourus. Eh bien, on va écouter une archive justement sur le rôle de l'Aquarius et du sauvetage des réfugiés. 141 rescapés à qui il faut expliquer pourquoi l'Aquarius est ainsi planté en pleine mer, moteur à l'arrêt. Pour répondre à la question de où on va, la réponse, on l'a pas encore. Cette situation, les équipes de Médecins Sans Frontières et de SOS Méditerranée s'attendaient à devoir l'affronter. Mais est-ce qu'on s'habitue à devoir expliquer à les personnes ayant fui les prisons en Libye qu'elles vont devoir patienter avant de dormir sur autre chose qu'un pont brûlant en acier? Tanguy, marin sauveteur, est à bord de l'Aquarius depuis 2 ans. Sa réponse? Dans la mesure où je me suis habitué à ramasser des cadavres, je peux bien m'habituer à attendre. Non, évidemment. Au moins cette fois-ci, c'est des vivants. On les traite avec dignité, ce que nos autorités ne font pas. Cet homme se plaint de douleur. Il y a quelques mois, des Libyens lui ont tiré une balle dans le bras. Pour la lui retirer, il faudra attendre d'être acquis. Cette jeune femme de Côte d'Ivoire, jamais elle n'avait pensé un jour devoir se rendre en Europe. Elle vivait en Libye avant la chute de Kadhafi. Lorsque le pays a basculé, moi j'ai été vendue. Prostitution forcée. Pour y échapper, elle n'avait pas d'autre choix que de traverser la Méditerranée. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui a des problèmes. Demain, ça peut être vous, les Européens. Ouvrez-nous les portes. Nous sommes des êtres humains. Pour se réconforter et tuer le temps, il chante. Et quoi qu'il arrive... Vous n'allez pas retourner en Libye ? À bord de l'Aquarius, Maureen Mercier, France Inter. Un jour, ça peut vous arriver, vous, Européens. Nous sommes des êtres humains. Vous vous souvenez de ce sauvetage en mer, évidemment, vous vous souvenez? Racontez-moi quand vous partez, la peur, on l'imagine aisément, et puis à un moment la délivrance. Comment ça se passe tout ça? Tout d'abord, c'est la traversée ne s'est pas déroulée comme telle. C'était une liberté que j'appelle une liberté empoisonnée. Il fallait chercher la liberté sur la mer. Donc si tu péris, tant pis. Si l'Aquarius te sauve, tant mieux pour toi. Donc l'autre Judas s'est percé à quelques kilomètres, parce que c'est pas trop, mais on était encore loin de l'Aquarius. Et de l'eau de l'essence qui se mélangeait avec l'eau du sel, ça piquait plus que de l'acide. Et les gens se sont paniqués de là derrière. Et chacun voulait avoir la tête un peu plus haute pour respirer. Donc bousculade. C'est dans ces bousculades où il y a eu ces 3 femmes qui sont décédées, notamment une femme enceinte et ces 4 jeunes. Et c'est parce que passer 15 minutes, si on n'avait pas l'Aquarius, on allait tous mourir là-bas. Parce que c'était l'eau était venue jusqu'au niveau de nos hanches. Et plus le temps durait, plus on était près de la mort. Oui, parce que l'embarcation prenait l'eau et s'enfonçait. Heureusement, l'Aquarius est venu, ils nous ont parlé en langue italienne, anglais, ils ont traduit en français, ils nous ont jeté des gilets, ils nous ont demandé de se calmer, qu'ils vont nous sauver. Et c'est ainsi, ils ont pris les femmes, les enfants, comme vous le savez, ils commencent souvent par les enfants, les femmes, et ils viennent sur les jeunes. Pendant ce temps, moi, j'étais impatient. Je me suis jeté dans l'eau parce que ils m'ont remis un gilet de sauvetage avec un soufflet. Ouais. C'est ainsi, il y a une dame qui m'a tiré la main pour me faire monter dans le petit Zodiac de l'Aquarius et ils m'ont envoyé dans le grand bateau. Et la liberté, donc j'ai commencé à sentir la liberté depuis dans le grand bateau de l'Aquarius. Ils nous ont donné le manger, ils nous ont donné des couvertures, ils nous essayaient de nous temporiser, de nous donner de l'espoir, tout. Donc, je me dis... Vous êtes senti à nouveau humain. Humain. Après, je suis sorti humain. J'ai rencontré un sauveteur hollandais qui était là. Il parlait bien français. Je me suis rapproché de lui. Après tout ce temps, parce que quand je suis monté, je suis resté seul d'abord pendant quelques minutes. Après, je suis venu maintenant échanger avec le jeune qui parlait bien français. J'ai parlé, il m'a expliqué tout, comment ça se passe. Donc, ça m'a ramené... en quelque sorte dans la vie réelle, malgré que j'étais encore dans l'Aquarius. Ouais. Vous êtes arrivé à Messine, en Sicile donc. Il se passe quoi une fois que vous arrivez à Messine? À Messine, quand on est arrivé, ils nous ont débarqué, ils ont pris nos empreintes. Bon, c'est en France ici que j'ai compris que j'ai demandé l'asile en Italie. Par contre, moi, je n'avais pas demandé. Ils ont pris juste nos empreintes. Ouais. On était entourés par des policiers, ils ont pris nom et lieu de naissance, tout. Ils m'ont envoyé à l'hôtel de Perugia. C'est de là que j'ai appelé ma famille, j'ai appris le décès de mes parents, de mes frères et de ma copine et de mes... Victimes de représailles? Non, juste, je crois que c'est par maladie. Ah, d'accord. Donc après, ils m'ont imposé d'étudier la langue italienne en Italie, vu que moi je voulais pas du tout revenir encore sur le banc pour étudier une autre langue. Je parle déjà les trois langues de chez moi, parce que le français. Vous vouliez le français, vous vouliez la France. Il vaut mieux venir en France parce que je pourrais communiquer mieux avec les Français que de rester avec une personne avec laquelle je ne parle pas la même langue. Voici ce qui m'a envoyé en France ici. Et vous arrivez en France combien de temps après et dans quelles conditions? Je suis arrivé en France en octobre 2016. Je devrais passer, rester à Bordeaux ici, mais ils m'ont conseillé que la procédure de demande d'asile était plus longue à Paris ici. Il y a beaucoup de demandeurs d'asile. J'ai préféré partir à l'intérieur, à Bordeaux, où j'avais un ami aussi demandeur d'asile que j'ai rencontré via les réseaux sociaux, notamment Messenger, qui m'a demandé de venir parce que là, il dormait au 115 à Emmaüs, qui pourra m'aider à m'installer. C'est comme ça que je suis venu à Bordeaux. Toute dernière question, quel regard vous portez sur l'Europe et son comportement vis-à-vis de vous et de toutes les personnes qui vivent la même chose que vous, vis-à-vis des migrants, quoi? Question. Et d'abord, je vais commencer par remercier la France pour qui m'a accepté, qui a accepté ma demande d'asile, qui a accepté que je sois réfugié et de me protéger. Il faut pas que je j'ignore cette partie. Mais par contre, je demanderai à toutes les autorités, à toutes ces personnes qui ont un autre regard vis-à-vis des migrants, de penser honnêtement en sa personne, d'agir un peu plus d'humanité, un peu plus de solidarité et un peu plus de l'état de s'investir pour sauver encore. Parce que je sais, il y a des migrants, c'est pourquoi j'ai écrit le livre. Très bien, merci infiniment. Alpha Kaba, esclave des milices, voyage au bout de l'enfer libyen chez Fayard, ça vient de sortir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Lampedusa et le drame des migrants, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. À la technique aujourd'hui, il y avait Nicolas Cazot.